Aurélien Roux, bonjour. Bonjour. Chargé de production et fondateur de la MMD, amicale du Mécanique, Metal Disco Mécanique avec 2K, association et label. On va expliquer pourquoi. Créé en 2004, basé à Breil-sur-Mérise, près du Mans. Ouais, pas très loin, une trentaine de kilomètres. Ouais. Vous avez décidé d'éviter la ville et de vous installer en milieu rural, c'est ça ? Ouais, c'est par vocation écologique, on va dire. Vocation écologique et vocation d'ouverture et de partage autour des productions plastiques, musicales et théâtrales. Ce que vous appelez les arts éclectiques, alors avec des cas un peu partout, éclectiques libres. Enfin, vous en faites la promotion et vous les produisez. Tout à fait. C'est quoi les arts éclectiques libres ? Il y a deux choses à séparer. Il y a d'une part éclectique. Par éclectique, on a cherché à trouver des artistes qui sont un peu en marge de ce qui peut se faire traditionnellement, donc qui ont une réelle démarche de création et pas juste de reproduction de choses qui ont déjà été faites énormément. Donc ça peut aller du rock progressif, comme on a pu connaître à une certaine époque, à des choses qui sont plus de l'ordre du pluridisciplinaire. Je sais pas, un groupe de musique qui va mélanger du théâtre à sa musique, ou des choses comme ça, ou des plasticiens qui font de l'infographie avec de la sculpture. Et pour la partie libre, c'est essentiellement parce qu'on utilise uniquement donc des licences de libre diffusion, c'est-à-dire des licences qu'autorisent les auditeurs ou les spectateurs à reproduire, enregistrer, déstructurer, modifier, redistribuer librement en fait les œuvres, à la seule condition qu'ils utilisent la même licence quand ils rediffusent ou modifient, etc. Donc voilà en gros ce que sont les arts éclectiques. Par exemple, là vous avez un studio d'enregistrement, vous travaillez sur des logiciels qui sont libres. Oui, voilà, sous Linux, en pratique, enfin sous un système qu'on appelle Debian GNU Linux. Donc ce sont des logiciels qu'on a le droit de copier, redistribuer, etc. Mais qui sont quand même de qualité professionnelle, et en particulier parce que cette possibilité de redistribuer, de modifier, etc., ça fait qu'il y a énormément de monde qui travaille dessus. Et donc en fait, on a vraiment un outil qui est très optimal à la fin. Mmh. Lorsqu'un producteur prend en charge un artiste ou un groupe, il y a des restrictions à l'égard de l'auteur. Il conserve, lui, des droits d'usage, par exemple des enregistrements. Alors en fait, les licences libres ne remettent pas en cause le droit d'auteur, donc l'auteur conserve sa paternité sur l'œuvre et peut décider un jour ou l'autre que finalement il va utiliser d'autres licences qui ne sont pas libres. Ça, c'est un premier point qui est très important. La paternité de l'œuvre reste la propriété de l'auteur. Et quant à nous, en fait, on part du principe qu'on préfère que les artistes qu'on suit soit diffusé le plus simplement possible auprès de tous les publics. Et on part du principe que si on fidélise un public auprès d'un artiste, eh ben, a priori, il va s'investir dans la vie de l'artiste et on va le retrouver par exemple sur des expositions ou des représentations. Et on va plutôt essayer de faire vivre les artistes par ces biais-là que par la vente de disques directement, qui est quelque chose de très très difficile à rentabiliser, surtout en ce moment. Alors, vous êtes producteur, faites la promotion, tourneur. Ouais. Depuis 2004, vous avez organisé plus de 150 dates de tournée, vous avez produit 7 albums. Ouais. Et je vois dans la liste des artistes américains, le Shaolin Death Squad. Oui, alors en fait ça c'est sur des choses qui sont un peu plus ponctuelles en tant que tourneur, où en fait on va pouvoir intervenir des fois pour des artistes outre-Atlantique, pour les faire tourner en Europe, puisqu'ils vont pas forcément avoir de pied à terre quand ils arrivent, donc s'ils correspondent à l'esthétique qu'on défend et qu'ils sont OK pour partir sur des licences libres, on peut ponctuellement s'associer avec des artistes comme ça. On a fait aussi avec les Canadiens de Nextect. Oui. C'était l'hiver dernier. Donc là, ils sont en train de tourner en ce moment, d'ailleurs, en Europe. Ce sont des collaborations un peu plus ponctuelles, parce qu'on peut décemment pas vraiment suivre ces artistes-là au jour le jour très bien, compte tenu de la distance et puis du fait qu'ils habitent quand même vraiment dans un univers dans lequel on n'a pas les pieds, quoi. Vous organisez et assurez des formations aussi aux techniques d'enregistrement ? Oui, alors en fait, aux techniques d'enregistrement et de production plus généralement, notamment de concert aussi ou de scénographie, puisqu'en fait on a développé un certain nombre de compétences sur déjà la partie studio d'enregistrement sous Linux, mais également gestion des lumières de scène sous Linux, et puis gestion de machines, enfin de ce qu'on appelle la musique assistée par ordinateur. Donc en fait ça c'était un peu un pan à côté de notre activité première, mais on s'est dit que c'était intéressant notamment pour tout ce qu'étaient les artistes en devenir, donc qui ne vivent pas encore de leur musique ou de leur spectacle. On est quand même essentiellement musicien au départ, hein, c'est pour ça que je parle beaucoup de musique. Et bah, quand on débute, nous on s'en rappelle, hein, on n'a pas tous les moyens pour faire tout ce qu'on veut, quoi. Et pourtant on nous demande d'enregistrer des maquettes ou des choses comme ça. C'est un peu aussi dans cette optique-là qu'on fait tout ça. Et financièrement, comment vous retombez sur vos jambes ? Alors essentiellement par la scène, puis également aussi par un certain nombre de partenaires qui reconnaissent le travail qu'on fait, donc notamment la région Pays de la Loire, l'université à nos débuts, puisqu'en fait c'est une structure qui s'est formée sur l'université du Mans, le Centre National des Variétés, et puis on espère qu'il y en aura d'autres. Et alors il y a un site, l'adresse vous allez la trouver à notre page Carnet de Campagne, il y a même une boutique en ligne si vous êtes intéressé par ce qui est produit par la MPP, l'Amicale du Mécanique Metal Disco, dont le nom me plaît énormément parce qu'il y a quelque chose du mécanique destructif commando de magma là-dedans. Tout à fait. Merci Aurélien Roux. C'est moi qui vous remercie.